Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la garde à vue. En quoi consiste la garde à vue ? Une garde à vue peut être décidée par un procureur de la République ou bien encore par un officier de police judiciaire, un OPJ, à l'encontre d'un individu dès lors que l'enquête judiciaire a permis de rassembler les motifs suffisants pour le suspecter d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement. La garde à vue consiste à retenir, bien entendu, le suspect dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Ainsi, cette garde à vue permet de poursuivre une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée, mais également de garantir la représentation de la personne devant un magistrat ensuite. Elle permet également d'empêcher que la personne suspectée n'échange avec des complices ou bien encore détruise des indices, mais également qu'elle n'exerce des pressions à l'égard des témoins ou des victimes. Et enfin, cette garde à vue permet de garantir l'arrêt de l'infraction en cours. Bien entendu, une personne suspectée peut également être entendue par la justice en audition libre, c'est-à-dire sans être placée en garde à vue. Cette décision sera prise par le procureur de la République ou bien encore par l'OPJ. Alors, comment se passe cette garde à vue ? Dans un premier temps, une garde à vue est prononcée pour une durée de 24 heures. Elle débute à partir du moment où l'OPJ signifie formellement à la personne sa mise en garde à vue. Bien entendu, lors de cette mise en garde à vue, le suspect est informé de l'infraction en cause, date et lieu présumé de cette infraction, et de l'ensemble de ses droits. Droit au silence, le droit d'être assisté par un avocat, par exemple. Il peut également avoir lieu à une palpation, ou bien encore, le suspect peut être fouillé. Il va être auditionné par les policiers ou les gendarmes, et ses propos seront retranscrits dans un procès-verbal. Pour les besoins de l'enquête, il faut savoir qu'il peut être photographié ou bien encore les empreintes digitales et biologiques peuvent être prélevées. Selon la nature de l'infraction et l'évolution de l'enquête, la garde à vue peut être abrégée ou prolongée, tout en sachant qu'elle peut atteindre 144 heures au maximum. La prolongation ne peut être accordée que pour les infractions punies d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement. Cette prolongation est décidée par le procureur de la République dans les enquêtes préliminaires ou dans les cas de flagrant délit. En revanche, elle est décidée par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Avant la prolongation de cette garde à vue, il faut savoir que le suspect peut demander à consulter le procès-verbal d'audition. Alors justement, quels sont les droits de la personne gardée à vue ? Elle est en droit, cette personne, de demander la présence, bien entendu, d'un avocat. Dans ce cas, la première audition doit se dérouler en présence de cet avocat, sauf s'il s'agit d'une simple vérification d'identité, bien entendu. Le garde à vue a également la possibilité de contacter un proche et son employeur. Il peut également être examiné par un médecin afin de confirmer ou non la compatibilité de son état de santé avec une garde à vue. Et enfin, il a le droit d'être assisté par un interprète et il peut également garder le silence. La garde à vue doit s'effectuer dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, le temps de repos, alimentation aux heures normales, une fouille réalisée à l'abri des regards et par une personne de même sexe, par exemple. En cas d'atteinte à la dignité humaine, le magistrat doit prendre des mesures afin de mettre fin à cette atteinte, ou si aucune mesure le permet, il faudra alors ordonner la mise en liberté du détenu. Pour terminer, comment se passe la fin de cette garde à vue ? À la fin de la garde à vue, le procureur de la République ou bien le juge d'instruction décide si le gardé à vue doit être remis en liberté ou présenté au tribunal. Si le gardé à vue est transféré dans les locaux de la police judiciaire vers le tribunal, alors il s'agit d'un déferrement. Dans ce cas, le gardé à vue doit être présenté au procureur de la République ou au juge qui décide des suites judiciaires à prendre. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue. Attention, si la présentation au procureur ou au juge ne peut être faite le jour même de la garde à vue, elle doit se faire dans un délai maximum de 20 heures après la fin de la garde à vue. Pendant ce temps, le suspect est retenu dans une cellule au tribunal. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.